Je suis malade, complètement malade. Quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade, parfaitement malade. Nous sommes le samedi 2 décembre, bienvenue chez Tipeur, c'est votre émission. Cette émission est la vôtre, elle vous est totalement réservée pour vous remercier de votre grande confiance et de votre contribution si chère à cette émission qu'est la revue de presse JV. J'ai toujours une bonne grosse crève, alors si vous avez écouté l'édition d'hier, ce dont je ne doute pas car vous êtes les meilleurs, j'ai encore la crève, c'est une catastrophe. Mais il me fallait faire cette édition du samedi, je me suis dit, mes tipeurs payent rubis sur l'ongle, ils doivent avoir leur émission, c'est la moindre des choses, c'est le service minimum que je leur dois. Et puis je me rends compte que finalement, malgré la crève, malgré la fièvre et tout ça, la gorge, le nez qui coule, bref, du mucus en vois-tu en voilà, le fait de réaliser cette émission pour vous me donne beaucoup plus de patates et beaucoup plus de pêche, de la super pêche comme Alain Juppé. Plus qu'un Doliprane finalement, c'est quand même incroyable. Alors l'émission du samedi, on détache un petit peu sa ceinture, on souffle, c'est un peu moins guindé, on est entre nous, vraiment. Là c'est comme si vous étiez chez moi, autour d'une bonne bière, ou d'un coca, ou d'une limonade, tout ce que vous voulez, ou d'un bon thé, pourquoi pas. C'est vrai qu'un bon thé, tiens, j'aime faire ça après, c'est une bonne idée. Eh ben si on attaquait avec les premières news, hein, ce serait quand même formidable. Allez, c'est parti. Ubisoft va créer plus de 200 emplois dans les 5 ans, a annoncé mercredi Yves Guillemot lors de l'inauguration des nouveaux locaux de la société à Villeurbanne, près de Lyon. Ubisoft Ivory Tower vient effectivement d'ouvrir et c'est lerevenu.com qui revient sur cette ouverture. Et pour l'occasion, Yves Guillemot, le président d'Ubisoft, a été interrogé. Monsieur Guillemot a notamment déclaré « La France est au cœur du développement d'Ubisoft. C'est ici que nous avons créé beaucoup de marques comme Rayman, Les Lapins Crétins, Just Dance et The Crew. » Alors The Crew, je rappelle que c'est le jeu de course en monde ouvert et qui était donc mitonné par le studio lyonnais Ivory Tower, qui est dans le giron d'Ubisoft depuis 2015, nous rappelle le site. Donc Ivory Tower a doublé ses effectifs en 2017 et plus de 200 personnes seront recrutées dans les 5 ans qui viennent, comme je vous l'annonçais il y a quelques secondes, et ça, c'est garanti par monsieur Yves Guillemot. Pourquoi ce recrutement massif? Pourquoi cette ouverture qui, comme un événement, hein, il faut le reconnaître, c'est une expansion liée, selon monsieur Guillemot, au succès du jeu The Crew, dont le second volet doit sortir le 16 mars 2018, et The Crew 2 permettra, d'après Yves Guillemot, non seulement de conduire différentes voitures à travers les États-Unis, mais aussi des avions et des bateaux. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les amoureux de mécanique qui aiment varier les plaisirs. Ahmed Boukhelifa, le cofondateur d'Ivory Tower, et il en est d'ailleurs le directeur, a déclaré: on a commencé en 2007 à 3 dans un garage, un salon, une chambre de bonne et on est vite passé à 30. Aujourd'hui, nous sommes 175 et nous comptons encore grandir. Effectivement, le studio envisage déjà une extension de ses nouveaux locaux de 1665 mètres carrés. Ces mêmes locaux donc qui ont été inaugurés mercredi. Il nous faut digérer cette croissance extrêmement rapide et avec The Crew 2, notre objectif est de gravir une nouvelle marche pour faire grandir la communauté, avec pour défi principal de nous organiser pour faire vivre le jeu et d'affronter un nombre de défis technologiques incalculables, a estimé Monsieur Boukhelifa. Lerevenu.com nous rappelle que l'éditeur Ubisoft emploie plus de 10 000 personnes dans le monde, avec une grosse implantation au Canada, 3 000 personnes au Canada. Pour être plus précis, pour l'exercice 2016-2017, son chiffre d'affaires s'est établi à 1,4 milliard d'euros et devrait atteindre 1,7 milliard en 2017-2018. Tout va bien pour Ubi tant que l'ogre Bolloré ne vient pas y planter ses énormes crocs. En tout cas, pour l'instant, ça va bien. Hein, on va essayer de respirer un peu. Hein, ça fait du bien. « Dopamine sur Gameblog nous dit que EA, hein, donc Electronic Arts, a été lourdement sanctionné par les marchés boursiers suite à l'affaire des microtransactions de Battlefront 2. Alors oui, on en reparle encore, mais enfin, il se passe toujours des trucs, donc eh ben, on en parle. Dopamine nous dit que donc l'action a en effet perdu 8,5% en novembre, ce qui représente une perte totale de 3,1 milliards de dollars pour les actionnaires, qui vont être moyennement contents, forcément. Bouh, bouh, bouh, je pense que tout comme moi, vous êtes vraiment très triste pour ces actionnaires. Donc c'est une baisse encore supérieure à celle qui avait été prévue par le géant américain pour terminer l'année calendaire. Depuis sa sortie, nous dit Dopamine, le 17 novembre, et si on considère seulement les chiffres du Royaume-Uni, les ventes physiques de Star Wars Battlefront 2 sont en baisse de 61% par rapport au premier volet. Mais ça, on en avait déjà parlé. Est-ce que la sanction va se poursuivre? Est-ce que EA va définitivement rectifier le tir? Eh ben, j'ai envie de vous dire, la suite au prochain épisode. Et des actions aux céréales, il n'y a qu'un pas que je n'hésite pas à franchir, hein, et donc sans transition, finalement, comme diraient les grands professionnels de la télévision, je vais vous parler de céréales, et plus précisément de céréales Super Mario. On apprend que Nintendo, en partenariat avec Kellogg's, donc sort des céréales aux États-Unis, sobrement appelées les Super Mario céréales. Bon, la boîte est top, on voit Mario avec sa cuillère, regardez son bol de céréales, des céréales aux diverses formes rappelant hein, des éléments des jeux Mario, donc tout ça, eh ben, c'est trop beau, c'est trop mignon, c'est choupi crousti comme tout, c'est même crousti choupi, j'ai envie de dire. Et donc la petite particularité, c'est qu'au dos du carton, il y a un code qui fonctionnera comme un amiibo et qui donnera des pièces et des cœurs dans Super Mario Odyssey. Ah bah voilà, moi je dis que ça c'est une opération rondement menée, Super Mario Odyssey, que j'ai hâte de faire, normalement c'est pour ce Noël, moi fan de Mario devant l'éternel, j'ai hâte, vraiment de m'y essayer, d'ailleurs ça me fait penser que, on voit des avis quand même un peu dissonants sur Super Mario Odyssey, certains criant au génie absolu comme si c'était quasiment le meilleur Mario jamais sorti depuis très longtemps, d'autres qui sont un peu plus réservé. Il y a une vidéo sur la chaîne de Julien Chiez, hein, avec le youtubeur que j'aime bien, Atomium, dont je vous ai parlé de nombreuses fois cette semaine. Et donc, tous les deux ne sont justement pas d'accord hein, sur ce Mario Odyssey. Alors, étant sans me la péter, voilà, Mario, c'est une de mes spécialités. Je connais son histoire, ses jeux, sa philosophie, ses philosophies même, selon les jeux par cœur. Et donc, j'ai hâte vraiment de plonger mes mains, mon cerveau, mes yeux, mes oreilles dans ce Super Mario Odyssey. Et justement, je voulais vous demander, vous qui l'avez fait, parmi vous, chers tipeurs, est-ce que, justement, certains ont été un peu déçus? Est-ce que d'autres ont été extrêmement, donc agréablement surpris? Et quel est votre Mario de référence, histoire de savoir un peu voilà, où vous vous situez? Parce que je sais qu'il y a des différents clans qui s'affrontent, en tout cas sur les Mario 3D, entre Mario 64, Mario Galaxy, etc. Donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, s'il vous plaît, ce serait vraiment trop aimable. Le cap des 2 millions de ventes ont été atteints pour Persona 5, le célèbre RPG d'Atlus qui mélange des donjons retors, des ennemis et des personnages torturés avec une simulation de vie au lycée. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de vous le représenter? En tout cas, on a pu lire sur GameCult que pour une fois, les éloges de la critique se traduisent dans les ventes car Atlus ne boude pas son plaisir, car l'éditeur se gargarise donc des 2 millions d'unités écoulées dans le monde pour Persona 5, entre la sortie japonaise de septembre 2016 et donc aujourd'hui. Un carton qui a du reste contribué au bon résultat financier de l'éditeur cette année. Tu m'étonnes. Tout en rappelant que cet épisode cumule 4 nominations avant l'ouverture des Games Awards 2017, dont celle du jeu de l'année. Et donc l'article nous dit que la frénésie Persona n'est pas prête de s'arrêter, puisque 2018 verra notamment la sortie d'un nouveau jeu musical à double face, Persona 3 Dancing Moon Knight et Persona 5 Dancing Star Knight, sans oublier la diffusion d'une série télévisée au pays du soleil levant. Persona 5 cartonne, et donc ça c'est fabuleux. Je me demande quel aurait été le résultat s'il y avait eu des localisations, en tout cas européennes, selon les pays. Alors vraiment, j'imagine que certains qui ne comprennent pas trop l'anglais se sont freinés, en fait, hein, au fait qu'il soit juste disponible en anglais ou en japonais. Donc, imaginez un Persona en français, le carnage, mais ça c'est comme Yakuza. On espère voir ça arriver un jour. Je n'ai toujours pas pu faire ce Persona 5, je me demande si je pourrais même le faire un jour, vu l'investissement l'investissement pardon, qu'il demande. Mais voilà, on est content parce que c'est le travail de la team Persona qui est récompensé. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait des rumeurs, ou est-ce que ça avait été d'ailleurs complètement dévoilé ? J'ai un trou de mémoire, excusez-moi, c'est encore la crève. Pour un jeu que j'ai adoré de la team Persona aussi, qui est Catherine, il me semble que Catherine devait revenir dans une version, une sorte de version remaster, je ne sais pas. À voir. En tout cas, bravo à Persona 5, youpi et tralala. Sachez, chers auditeurs du samedi, quand on est fatigué, qu'on a la crève, c'est pas évident d'enchaîner. Sachez, chers... c'est pas évident. Je la retente. Sachez, chers auditeurs, avec un Z bien sûr, majuscule, du samedi, que le réalisateur d'Uncharted 3 a monté un nouveau studio. Uncharted 3 d'ailleurs, que beaucoup ont cassé à l'époque. Moi j'ai adoré Uncharted 3. Pas autant, bien sûr, que le 2, mais quasiment autant que le 4, personnellement. Bref. Là n'est pas le sujet. Donc, le réalisateur d'Uncharted 3, Justin Richmond, a monté un nouveau studio avec le scénariste Aaron Eaz. Alors, je sais pas si je le prononce très bien. Toujours peur avec les noms, vous le savez. Ce cher Aaron, hein, qui a été scénariste sur la série Futurama, alors là, total respect, l'une des meilleures séries du monde, et Avatar, le dernier maître de l'air, bon là je suis un peu moins fan, mais enfin pourquoi pas, et aussi le troisième, avec un troisième larron, qui est le directeur financier Justin Santistevan. Ça c'est du nom qui claque, lui qui nous vient de chez Riot Games, et donc ils ont tous les trois créé en août 2015 un studio nommé Wonderstorm. Et on ne l'apprend que maintenant, en tout cas, ça se sait vraiment que depuis... hier, et c'est le site Polygon en fait qui a déterré cette information. Alors, il faut savoir que Justin Richmond a quitté Naughty Dog en mars 2014 afin d'occuper le poste de producteur chez Riot Games, justement. Justin Richmond n'est resté qu'une année hein, chez Riot Games, et donc l'objectif du studio Wonderstorm est assez ambitieux. Alors, accrochez-vous à vos slips, écoutez bien. C'est donc de créer une série d'animation pour Netflix. Là, on rigole pas. On est chez Netflix, hein, on n'est pas sur France 3 Côte d'Azur, et dont l'univers sera également développé en parallèle pour un jeu vidéo, donc du bon gros cross-média des familles, une stratégie où il est facile certes de s'y casser les dents et les reins et la tête, mais bon voilà, ils tentent le pari, attendons de voir. Alors quant à la nature même de cette œuvre ambitieuse que nous attendons, on ne sait pas, mais il semblerait, en tout cas d'après Polygon, qu'on s'achemine vers de la SF, hein, de l'aventure spatiale, car Justin Richmond et Aaron Eaz sont des fans absolus de Macross et Star Wars. Alors, laser, surpuissant, les étoiles, les vaisseaux, des robots, qu'est-ce qui va se passer ? Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qui se passe ? Nous le saurons, je pense, très bientôt, ou peut-être pas. Mais voilà, c'était une façon, si vous voulez, de finir cette news avec une petite formule, hop, histoire de rebondir comme ça. Un petit saut de cabri et on passe à la suite. Décidément, Nintendo va tellement bien en ce moment qu'on en est heureux pour lui. Car je viens de lire là sur jeuxvideo.com, nous sommes vendredi soir, je viens de lire que Nintendo devient l'entreprise la plus riche du Japon. Rien de moins que ça. Imaginez-vous. Le site nous dit que Tokyo Kenzai a publié son classement des 500 entreprises les plus riches de l'archipel nippon et a placé Nintendo à son sommet. Ce résultat s'explique par la réussite commerciale de sa dernière née, la Switch, mais également grâce à sa gamme portable de la famille 3DS qui continue encore d'accueillir de nouveaux softs à l'image de Pokémon Ultra Lune et Ultra Soleil, et dans une moindre mesure, nous dit jeuxvideo.com, avec ses applications et jeux mobiles permettant à la firme de s'installer sur différents tableaux. L'entreprise se hisse donc sur le haut du podium avec des fonds atteignant 946 milliards de yens, soit 7,1 milliards d'euros environ. Et alors, on apprend un peu plus loin que Sony, de son côté, ce cher Sony, rate la troisième place du podium et bascule à la quatrième. Nintendo, hein, souvenez-vous du Nintendo va mourir. Permettez-moi de me gausser. C'est hallucinant le succès de cette Switch. Vraiment, je crois que personne ne pouvait le deviner, et moi le premier. Le duel avec la PlayStation 4 va être d'autant plus, je pense, épique. Ça va être fabuleux. Donc bravo à Nintendo, bravo à la Switch, et vivement Noël, que je t'attends un petit peu de mes Joy-Con. Et Et voilà les amis, c'est fini, c'est ainsi que se termine cette édition du samedi. Merci encore pour votre contribution, hein. Merci énormément. J'aimerais remercier Kevin qui est le dernier arrivé. Kevin, merci. Et surtout venant d'un gars comme toi, ça me fait trop plaisir. Bienvenue Kevin, je ne sais pas si tu veux que je révèle ton identité secrète de super-héros, tu me le diras, sur le coup j'ai le doute, donc je te dis merci Kevin. Merci Oliver, roi du bocal, merci DomDom01, Evolix, Pipoletsu, Valentin, JP Madère, Remix, Somaz, Graou91, Emmanuel, HXC, AHL9, j'ai toujours du mal, AHL9, j'ai toujours peur de mal le prononcer, tu m'excuseras, mais j'ai réussi. Pizza Hunter, ce bon vieux Pizza Hunter, Lina Nounette, Machin Truc 76, Monsieur A, Mac BN, Francois, Jimmy et ce cher Mopral. Merci à vous tous. Vous êtes formidables, les copines et les copains. J'espère que cette édition vous a plu. Bon alors, effectivement, je vais pas vous rappeler, comme dans l'émission de la semaine, tous les liens hein, pour écouter la revue de Presse JV. Ça, vous ne le savez que trop bien. Voilà, n'hésitez pas à venir réagir sur Twitter, sur cette émission du samedi, de crier à la face du monde à quel point cette édition est un petit bonbon qui vous donne haleine fraîche pour tout le week-end. Tiens, elle est très bien cette formule, je vais la noter, je crois que je vais la déposer, elle est pas mal. Voilà, je sais pas si c'est la fièvre ou tout simplement ce qu'on appelle du génie ou de la folie ou de la crétinerie, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que malgré cette crève, l'émission était quand même à peu près cohérente. Je vous souhaite un excellent week-end. Normalement, si je ne suis pas HS avec 42 fièvres, ce soir, j'enregistre avec les tipeurs l'édition de la grande revue de presse JV. Là, nous serons 6 en tout. Beaucoup de sujets à aborder. Et ben, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais plein de bisous. Merci encore pour votre soutien. Pardon, excusez-moi. Et ben, je vous dis à lundi, du coup, hein, à lundi matin, pour une nouvelle semaine de revue de presse JV, pleine de jeux vidéo, d'amour et de déconnades. Allez, à très très vite. Bye bye.